Paris fait l'insta. Tout Paris cherche le coup amoureux que la tour Eiffel sépare en tout petit éclat. Douloureux, les mains à la taille, coléreux, je servirai plus de cobaye. Périlleux, je laisserai ces histoires que ça t'arrivera au tout petit bout de chou. Tu t'en mets là les pinceaux, je t'invite à devenir sage, mais d'attendre en secret le bon moment qui t'éloigne.